Vous écoutez C'est fou en balado-diffusion. Vous aimez ça? Visitez cestfou.ca. Bonjour et bienvenue à La Connexion, l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo. Je m'appelle Mathieu Plante et pendant 2 heures, vous allez entendre parler des choses qui vous intéressent, des choses qui vous importent le plus. Dans le fil jeux vidéo, dans quelques minutes, on va parler des Romantics, le groupe de musique The Romantics qui est en colère contre Guitar Hero Rock the 80s. On va aussi parler du thème de Halo qui va être dans Guitar Hero 3, donc un petit genre de bloc de nouvelles sur Guitar Hero plus tard. Mais en musique, tout de suite, voici The Consecos et Juices. À La Connexion, là, c'est pour 89.1 FM. The Consecos et Scene of the Sunrise, précédé de Juices. Ça vient de leur CD Advanced Music Juices. Ici à La Connexion, l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo. Ah, c'est fou, 89.1 FM. Maintenant, c'est l'heure de parler un petit peu de jeux vidéo. Voici le fil jeux vidéo. Ça embarque un jour. Ah, voilà. Donc, on commence le fil jeu vidéo avec une nouvelle sur The Romantics, le groupe américain qui vient de déposer une poursuite contre Activision, Red Octane et Harmonix au sujet du jeu Guitar Hero Rock the 80s. En effet, le groupe est très mécontent par la version de sa chanson What I Like About You présente au sein du jeu. The Romantics poursuit les trois compagnies puisque, selon lui, la version de sa chanson présente dans Rock the 80s est trop similaire à la version originale de la chanson. De ce fait, les fans ne peuvent distinguer la version originale de la chanson et la version modifiée de celle-ci, enregistrée par Wave Group Sound pour Rock the 80s. The Romantics désire obtenir des compensations ainsi qu'une injonction qui préviendrait la vente du jeu. Selon le groupe, la version enregistrée pour Rock the 80s brime l'image du groupe et fait en sorte que les consommateurs lieront ce dernier au jeu développé par Harmonix. Et je cite, « J'étais très en colère parce que le groupe a travaillé très fort durant plusieurs années afin de développer et d'utiliser son son distinct. » C'est ce qu'a dit le chanteur de The Romantics, Wally Palmer. Ce n'est pas la première fois que le groupe poursuit une firme pour l'utilisation de sa chanson la plus populaire. En effet, le groupe a déjà poursuivi une firme pour utilisation illégale de What I Like About You dans une publicité. Cependant, l'utilisation en était faite dans Rock the 80s en tout. L'utilisation faite dans Rock the 80s est tout à fait légale puisque The Romantics a donné sa permission afin qu'elle soit présente. Il est donc peu probable que le groupe gagnera cette cause, dit l'article de rgamers.com. Petite nouvelle cocasse, mais plutôt douloureuse pour un soldat américain qui était en service en Irak en 2006. Histoire de tromper la solitude et de tenter d'oublier la distance qui le sépare de sa femme, un Marine se procura une Wii lors de son service en Irak. Quelques mois avant la fin de son engagement, il expédia en Amérique à son épouse des 7 dernières années sa console. De retour au pays, l'entourage du monsieur l'avisa que sa conjointe n'aurait pas été un modèle de fidélité lors de ses soirées de quilles. La femme finira par admettre que quelques baisers ont été échangés et que rien d'autre ne se serait produit entre elle et un quilleur du coin. Travaillé par le doute, il décida de quitter le foyer et de réfléchir à toutes ces allégations. Mais voilà, en rebranchant la console Wii pour jouer quelques parties, il remarqua qu'un nouveau personnage Mi, qui ressemblait étrangement au quilleur de sa douce. De plus, en consultant le calendrier interne de la console, il a découvert que sa femme et son supposé ami avaient passé plusieurs nuits ensemble à jouer. Inconsolable, le soldat demanda immédiatement le divorce. L'article vient de Cyberpresse via rgamers.com. Microsoft Game Studios et Activision ont décidé de remercier tant les fans de la franchise Halo que ceux de la série Guitar Hero en leur proposant une nouvelle chanson plutôt intéressante. En effet, les deux compagnies lanceront demain étant le 22 novembre, donc c'est déjà fait, le thème de la série Halo pour le jeu Guitar Hero 3 via Xbox Live afin que vous puissiez le jouer avec votre guitare de plastique. Cette chanson sera offerte tout à fait gratuitement. Le thème de Halo fut composé et réalisé par Martin O'Donnell et Michael Salvatori. Le remix du thème mettant en scène des guitares fut réalisé par le guitariste Steve Vai, gagnant d'un Grammy Award. La nouvelle vient de Argamers. Je pense que je les ai toutes mis en même temps, les nouvelles d'Argamers. Sony Computer Entertainment a annoncé qu'elle a coupé de moitié le coût du kit de développement de la PlayStation 3, le tout dans le but d'encourager les studios à concevoir des jeux pour sa console. Ça devrait aider Sony à gagner des ventes en mettant sur le marché plus de jeux pour la PlayStation 3, d'autant plus que cette dernière a récemment baissé de prix. Ainsi, un PS3 Reference Tool coûtera désormais 10 250 en Amérique du Nord, 950 000 yens au Japon et 7 500 € en Europe. Cet outil de développement est conçu afin d'aider les développeurs à écrire des codes spécifiques pour la console, en plus de les pousser à exploiter le Cell Broadband Engine. Sony a déclaré que le kit de développement continuera à baisser de façon significative à mesure que plus de jeux seront conçus pour la PlayStation 3. Par ailleurs, Sony a annoncé qu'elle intégrera de nouveaux outils dans le kit de développement de la PlayStation 3. Ces outils, conçus par SN Systems, comprendront notamment un ProDG, qui est un outil de développement tirant profit du cœur du code de la PS3, un système de distribution, un système de compilation et un système de liaison. Sony a affirmé que ces initiatives devraient augmenter le nombre de jeux sur PS3 et réduire les coûts de développement pour les concepteurs. C'est la chose importante. L'article vient de IGN.com. La sénatrice Hillary Clinton, qui est dans la course pour devenir le prochain président des États-Unis, a déclaré qu'elle désire une réforme de l'Entertainment Software Ratings Board, le SRB. C'est l'organisme qui cote les jeux en Amérique du Nord. Vous savez, en bas des boîtes, quand c'est écrit « bon, côté 1 pour tous, côté 6, etc. » Donc, pour expliquer son opinion, Clinton prend en exemple Manhunt 2, un jeu qui aurait dû recevoir la cote Adults Only, même après les changements apportés. Ils ont dû faire des modifications. Dans les faits, la femme de l'ancien président tente depuis longtemps de censurer les jeux vidéo violents. On en parle depuis le début de la connexion. Il y a extrêmement longtemps, je crois que c'est en 72. Selon Video Business Magazine, la lettre envoyée à Patricia Vance, la présidente, c'est bien ça, de l'ESRB, est co-signée par d'autres politiciens, soit Joe Lieberman, Evan Bay et Sam Brownback. Les signataires croient aussi que la Wiimote, la télécommande de la Nintendo Wii, pourrait être un outil dangereux pour les jeunes, car elle, et je cite, permet aux enfants de reproduire des meurtres et des actes de torture. Ah! Quelqu'un devrait rappeler à Mme Clinton que la cote M pour mature signifie que Manhunt 2 n'est pas recommandé aux moins de 17 ans. Donc c'est déjà correct, 17 ans. C'est peut-être pas 18 ans, mais c'est Ah, Clinton. Ah, les enfants, ne commettez pas de meurtre dans des jeux qui sont de toute façon pas cotés pour vous, donc vos parents ne devraient pas vous les acheter. Donc, c'est les parents qui ont tort. Ensuite, enfin, dit l'article de jeuxexpress.com, après plusieurs mois d'attente, Sony Computer Entertainment of America lance finalement la PlayStation Store. Pourquoi la PlayStation Store? Est-ce une magasin? Donc, le PlayStation Store sur PC, le nouveau portail permet aux propriétaires d'un PlayStation Portable de télécharger des jeux, des démos et des vidéos. Charger des jeux, des démos et des vidéos. C'est ce que l'article dit. Sur leur console portable. Donc déjà, des jeux PSP comme Gangs of London et Wipeout Pure sont offerts à des prix raisonnables. Sony a aussi ajouté un jeu exclusif qui s'appelle Siphon Filter Combat Ops pour 10$. La compagnie compte poursuivre dans cette lignée. Puis, de vieux jeux PlayStation sont offerts comme le premier Crash Bandicoot, le premier Spyro et Hot Shots Golf 2. Enfin, des démos et des vidéos des jeux récents ou à venir sont à votre portée. Ces fichiers sont gratuits, contrairement aux jeux complets mentionnés plus haut. SCA va faire des mises à jour plus ou moins régulières du service dans le futur. Donc, vous pouvez cliquer sur le lien qui est dans l'article. En fait, c'est store.playstation.com pour accéder au PlayStation Store via votre ordinateur personnel ou sinon passer par le unechance.com et cliquer sur l'article le PlayStation Store sur votre PC. Quelques nouvelles en bref. Contrairement à l'information qui avait été véhiculée, la guitare Les Paul de Guitar Hero 3 sur PlayStation 3 ne fonctionnera pas avec la version PlayStation 3 de Rock Band. IGN a découvert que Rock Band reconnaît la collection de la Les Paul, mais il la reconnaît comme une simple manette et non pas comme une guitare. En ce qui concerne la version Xbox 360, pas de problème. Harmonix et Red Octane n'ont pas encore commenté sur la confusion en date du 20 novembre. Reste à voir s'il sera possible via une mise à jour de rendre la guitare de Guitar Hero 3 compatible avec Rock Band. C'est peut-être déjà fait, on vous tiendra au courant. Et c'est la semaine dernière que Nintendo a officiellement lancé le Wii Zapper, un nouvel accessoire qui permet de jouer à des jeux de tir en ayant l'impression d'avoir une arme dans ses mains. Faut faire attention, Hillary Clinton va commencer à chialer. Le périphérique vient avec une copie de Link's Crossbow Training, un petit jeu dans lequel Link apprend à tirer avec une arbalète. Le prix de vente de l'ensemble se situe entre 20 et 25 $ selon la boutique. Et on peut rappeler que Wii Zapper est aussi supporté par d'autres jeux récents, dont Resident Evil, The Umbrella Chronicles, Medal of Honor's Heroes 2 et Ghost Squad. Voilà qui fait le tour pour le premier fil jeu vidéo. Il nous reste une deuxième partie plus tard. Mais avant de faire ça, regardons les jeux les plus loués au Super Club Vidéotron la semaine dernière. En cinquième position, c'est Halo 3 sur Xbox 360. En quatrième, c'est Need for Speed Pro Street sur la PS2. En troisième, c'est Assassin's Creed sur la Xbox 360. En deuxième, c'est Call of Duty 4 Modern Warfare sur la 360. Et le numéro 1, le jeu le plus vendu, le plus loué au Super Club Vidéotron, loué, c'est Super Mario Galaxy sur la Wii. Vous écoutez La Connexion, là, c'est fou 89.1 FM dans vos oreilles. Band de Boogie à Montréal, années 70, un groupe écœur. Dire qu'il n'y a plus un maudit d'enregistrement. Vous les auriez vus, vous les auriez juste entendus. Je vous jure que ces gars-là, ils ont inventé Travolta. 35 ans plus tard, en voulais-tu pas un qui revient? L'air d'un big shot clairement crétin. Il écrit des tunes imbéciles pour une chanteuse à gros seins. Inspiration zéro, mais à cette heure, il passe à la radio. Fait que c'est maintenant que tout le monde parle. Là, ça vaut le coup de se déplacer. Jour gratuit pour tout le monde. Si ça se trouve, on va passer à terre. Elle flippait des burgers, elle sentait la friture, pis les oignons. Ça c'est normal, c'est ça la vie. Jamais personne pour dire merci. C'est graissé le corps pendant 15 ans, 138 000 réchauds de café. Un jour de pluie, a sacré le camp. Elle est partie, la caisse aussi. Quand elle décide que c'est assez, quand elle décide que c'est son tour, il y a toute une armée de photos qui part en peur pour la poignée. Que c'est maintenant que tout le monde parle. Là, ça vaut le coup de se déplacer. Show gratuit pour tout le monde. C'est

Grip Like a Vice, une pièce de la formation de Go Team et leur album Proof of Youth à la collection. Maintenant, c'est la suite du fil jeu vidéo. Nouvelles qui ont marqué le monde vidéoludique cette semaine. On commence par une nouvelle de la semaine dernière où on parlait que Singapour avait décidé de bannir Mass Effect à cause de la présence d'une scène d'amour entre une femme humaine et une femme extraterrestre. Vous vous souvenez peut-être de ça? La décision était venue de la Media Development Authority. Or, selon le Straits Times, la décision a été renversée. Par contre, Mass Effect a reçu une cote de M18, ce qui signifie qu'il demeure interdit à toute personne de moins de 18 ans. Le Board of Film Censors a en effet annoncé la création d'un système de cotation en janvier prochain. En attendant, certains gros jeux comme Mass Effect recevront des cotes pour informer les consommateurs sur le contenu de ces jeux. Nintendo a dévoilé les boîtes de leur nouveau bundle DS Lite qu'ils vont proposer aux États-Unis dès le 23 novembre, donc c'est déjà fait depuis quelques jours. Le premier comprendra une console dorée frappée du sceau de la Triforce dans Zelda et le jeu The Legend of Zelda Phantom Hourglass, tandis que le second renfermera une machine rose métallique accompagnée de Nintendogs dans son édition Best Friends. Le prix du lot n'a pas encore été communiqué. Par contre, si vous voulez voir les photos, c'est dans l'article DS Lite, les nouveaux bundles illustrés sur le unechance.com, www.unechance.com. Jeff Minter, le grand malade amateur de lama et accessoirement game designer, dit l'article de jeuxvideo.com, pique une colère dans son blog. La raison de son courroux, voir un remake de Frogger se vendre mieux que son Space Giraffe sur Xbox Live Arcade, et il ne mâche pas ses mots, je cite. « Je vois pas de raison d'essayer de faire des jeux quand un remake de Frogger, lors de l'un des pires titres de toute l'histoire des jeux d'arcade, se vend 10 fois plus en une semaine que Space Giraffe, pour lequel nous avons fait tant d'efforts et mis tant d'amour. Ok, nous avons reçu le message « Vous voulez uniquement sur ce support des vieux jeux d'arcade pourris auxquels vous vous souvenez vaguement avoir joué sur votre Amiga. » Fin de la citation. La charge est sévère, mais aussi amusante quand on sait qu'un des jeux phares créés par le personnage, le gars, là, est Tempest 2000, sorti en 1994, et lui-même un remake d'un vieux jeu d'arcade de 1981. Donc l'article trouve ça contradictoire, et ce l'est en effet. Donc désolé Jeff Minter, mais que veux-tu, les gens veulent Frogger. Ils aiment les grenouilles. Dennis, un autre gars qui chiale un peu là. Dennis Dyack de Silicon Knight exprime son mécontentement face à la situation actuelle dans le cadre d'une entrevue avec le site Gamma Sutra. Silicon Knight, établi à St. Catharines, est le plus important concepteur de jeux vidéo de l'Ontario. Selon son président Dennis Dyack, les subventions du gouvernement québécois aux entreprises qui viennent s'établir dans la province sont en train de miner toute l'industrie canadienne. Ce qu'il déplore surtout, c'est l'exode du talent ontarien, oui. Selon lui, bon nombre de personnes de talent formées dans les universités et les collèges de l'Ontario, dont la formation a été en partie subventionnée par le gouvernement ontarien, quittent leur province d'origine pour aller travailler dans les studios des grandes entreprises établies surtout à Montréal, comme Ubisoft et Electronic Arts. Il affirme également que les subventions du gouvernement québécois, qui comptent pour environ 50 à 60 % du salaire des employés de ces entreprises, ne dureront pas éternellement. Lorsque les entreprises n'auront plus accès aux fonds publics, elles se tourneront alors vers d'autres cieux. Il qualifie donc d'insensé ces subventions qui, selon lui, risquent de ne rien rapporter à long terme. Il conclut en disant que les Ontariens ne demandent pas mieux que de demeurer dans leur province, que le gouvernement ontarien devrait tout de même entreprendre des mesures de moindre importance pour ne pas tomber dans le même piège que le Québec, mais démontrant un certain intérêt pour cette industrie en croissance. L'article vient de Gamma Sutra, c'est via branchezvous.com. Prochain article aussi sur Branchez-vous, la console Wii de Nintendo serait encore une fois cette année le cadeau de Noël le plus demandé par les gens. Le président de Nintendo America prévoit même des ruptures de stock aux États-Unis et dans d'autres régions du monde. Même si on peut trouver encore des Wii dans plusieurs magasins, elles risquent vite de devenir introuvables d'ici le temps des fêtes, même si Nintendo en produit 1,8 million par mois. Selon Jerick Johnson, un analyste de l'industrie du jouet chez BMO Capital Markets, plus personne n'achète de jouets aux États-Unis en raison des multiples rappels. En effet, des milliers de jouets ont été rappelés à cause de la présence de peinture au plomb. À cause de ça, les gens ont perdu confiance dans les jouets, dit-il. Ceux-ci préfèrent maintenant offrir la Wii qui n'est pas toxique pour la santé. Non, la Wii n'est pas toxique pour la santé. C'est le fun. Depuis un an, il s'est vendu 5,1 millions de Wii aux États-Unis, alors qu'en octobre dernier, 519 000 Américains ont acheté la console. Rappelons que lors du lancement le 17 novembre 2006, la plupart des consoles s'étaient vendues le jour même. Plusieurs personnes n'avaient malheureusement pu donner cet article convoité comme cadeau de Noël. Voilà. L'article vient de branchezvous.com, comme je le disais. Le prochain vient de Canoë d'après PC World. Et la nouvelle est encore bonne sur ma console préférée. Là, j'ai l'air biaisé en disant ça, mais c'est une autre nouvelle sur la Wii. La Wii a un an. Yeah! Yeah! J'aimerais avoir la petite musique là. La, la, la, la, la. Je sais pas c'était quoi cette tune là d'ailleurs. D'après le palmarès VG Charts avec un Z, parce que c'est plus hot comme ça, la console de Nintendo est parvenue à surpasser la Xbox 360 sur le plan des ventes, malgré les pénuries d'inventaire répétées et un lancement survenu un an après celui de la machine de Microsoft. D'autre part, Nintendo a aussi doublé Sony au premier rang des fabricants de logiciels de jeux propriétaires, selon des données publiées en octobre par iSupply. Bref, beaucoup de gens, y compris des vétérans de jeux vidéo, apprécient la Wii pour ce qu'elle est, dit l'article, un système de jeux vidéo unique dont la qualité principale est de favoriser l'implication physique du joueur. Et je cite, « La Wii est à mon sens le seul véritable système de nouvelle génération », a dit le créateur de jeux Will Wright au cours d'une entrevue accordée le mois dernier, on en parlait d'ailleurs à la connexion à ce moment-là. Je continue la citation. La PS3 et la Xbox 360 sont certes de bien meilleures versions que les précédents efforts de ces compagnies, mais on y vit essentiellement la même expérience de jeu qu'aux commandes d'une PS2 ou d'une Xbox respectivement, quoique rehaussée de façon significative. Donc c'est la même affaire, c'est la même action, c'est juste avec un petit peu plus de fla-fla. En dépit de la popularité phénoménale de la Wii, plusieurs joueurs demeurent dubitatifs, voire aliénés par le concept novateur d'une console sensible au mouvement, mais en retard sur le plan visuel. Misant sur une stratégie d'interactivité impliquant de près le joueur, le produit audacieux de Nintendo, ils auraient pu l'appeler l'audacieux, constitue de fait le premier système de jeu pour la maison à s'écarter du, et je cite, « plan de rehaussement graphique observé tous les 5 ans par l'industrie ». Vous connaissez la loi là, qui fait que c'est à chaque 5 ans. Là, bon. Donc, la librairie courante de titres pour la Wii se retrouve donc remplie de jeux moins connus, dont le rendu graphique tire sérieusement de la patte lorsque comparé aux productions fort réalistes offertes par la PlayStation 3 et la Xbox 360. Aussi, plusieurs experts et amateurs craignent l'effet d'un désintéressement graduel des jeux conventionnels avec la montée en popularité des jeux occasionnels sur les plateformes Wii et DS, chacun avec leur, certains diraient gimmick, d'autres diraient révolution. Peu importe ce que réserve l'avenir à cette industrie, l'avènement de la Wii marque le retour triomphal de Nintendo en tant que chef de file du marché de la console, titre revendiqué par Sony depuis une dizaine d'années. Mais bonne fête. Bonne fête à la Wii. Mark Ryan, le d'Epic Games, oui, voilà. Hello. Oui. Donc, Mark Ryan, directeur de Epic Games, surprend son monde en annonçant dans une entrevue accordée à Kikizo.com qu'une équipe bosse en ce moment sur une version Wii de l'Unreal Engine 3. Vu la différence de puissance entre la console de Nintendo et les nouveaux PC pour lesquels le moteur est normalement conçu, c'est un moteur sur lequel plusieurs jeux sont basés, on ne peut souhaiter que bon courage à ces personnes motivées, dit l'article de jeuxvideo.com. Leur tâche ne s'annonce pas simple du tout. Sans révéler le nom du studio lancé dans cette aventure, le PDG de Epic Games précise qu'il s'agira d'une version différente du moteur d'origine, à l'image de ce que Ubisoft avait fait en portant l'Unreal Engine pour Splinter Cell sur console. Après le moteur d'Oblivion, il s'agit de la seconde initiative du genre. Allez voir l'article pour la source kikizo.com. C'est Unreal Engine sur Wii. C'est dans le bloc fil jeux vidéo sur le unechance.com. Voilà qui fait le tour du fil jeux vidéo pour cette semaine. Tantôt, on va parler d'informatique et de cybercriminalité. Un paquet de choses super intéressantes. Petit avant-goût de ce qui se passe en informatique cette semaine, l'ouverture d'un second bureau de Google à Montréal, point d'interrogation. Montréal aussi qui veut 400 nouveaux points Wi-Fi et la version d'évaluation du service pack 1 de Windows Vista est enfin disponible. Vous écoutez La Connexion, l'émission de technologie, d'informatique et de jeux vidéo à CFOU 89.1 FM. C'était la première fois que je voyage, mais pour l'amour. Si on peut appeler ça, pour l'amour. C'était la première fois que je voyage, mais pour l'amour. J'étais horrifiée et fascinée à la fois. J'étais horrifiée et fascinée à la fois. Malgré ma répulsion, comme hypnotisée. Malgré ma répulsion, comme hypnotisée. plus fort l'amour. Si on pop les uns, si on pop les uns, si on pop les uns, c'était la première fois que je voyais l'amour. C'était la première fois que je voyais plus fort l'amour. Si on pop les uns, pour l'amour. Formation 011 avec C'était la première fois sur le palmarès francophone de C'est fou. Vous écoutez La Connexion, l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo. Et maintenant, c'est l'heure du fil informatique. Les nouvelles qui ont marqué le monde des ordinateurs cette semaine. On commence par une nouvelle de Google. Selon l'hebdomadaire québécois d'information économique et financière Les Affaires, Google compterait ouvrir un nouveau bureau à Montréal. L'article date de vendredi dernier. Google compterait ouvrir donc son nouveau bureau. L'entreprise californienne serait en discussion sérieuse avec Polaris, qui détient un immeuble dans le centre-ville de Montréal. Le géant d'Internet désirait louer un espace de 10 000 pieds carrés dans un bâtiment du 1253 avenue McGill College. Si la rumeur se concrétise, cet espace pourrait accueillir près de 60 employés. Si tout va bien, Google pourrait même louer 10 fois plus d'espace, c'est-à-dire 100 000 pieds carrés. André Cassie, directeur de marketing et de location pour les immeubles Polaris Canada, a indiqué au journal Les Affaires qu'une firme américaine avait loué le deuxième étage du dit immeuble. Par contre, il a refusé de révéler le nom de l'entreprise. Il a rajouté qu'il avait bien hâte que la nouvelle soit rendue publique, car le futur locataire serait une compagnie énorme. Rappelons que Google a déjà un bureau à Montréal depuis près d'un an. En effet, il est situé au 1000 de la Gauchetière et 7 personnes y travaillent. Sur le site d'emploi de la société américaine, 4 des 9 postes ont comme lieu de travail Montréal. Parlant de Montréal, la ville aimerait installer dans ses lieux publics quelques 400 nouveaux points Wi-Fi permettant d'accéder gratuitement et sans fil en plus à Internet. Selon un document dont la presse a obtenu copie, l'entente de 5 ans qui est envisagée avec l'organisme Îles sans fil coûterait 200 000 $ par année à la municipalité. Îles sans fil gère déjà environ 150 points d'accès Wi-Fi dans des cafés et des commerces. Le comité exécutif de la ville de Montréal, qui décidera de mener ce projet à terme ou non, ne l'a pas encore examiné. Chez Îles sans fil, ce sont des bénévoles qui installent et entretiennent les points d'accès. Les propriétaires des commerces fournissent quant à eux une connexion haute vitesse à Internet et paient 50 $ par année. Ces 150 points d'accès sont présentement utilisés par plus de 50 000 personnes qui branchent ainsi gratuitement leur ordinateur portatif au web. Ils peuvent aussi y connecter d'autres appareils comme certains cellulaires qui fonctionnent par Internet. La presse précise que les 400 points d'accès issus d'un éventuel partenariat avec la ville fonctionneraient sensiblement selon le même modèle. L'article vient de la presse canadienne. La version d'évaluation du service Pack 1, le SP1 de Windows Vista, est maintenant disponible pour les bêta-testeurs et les abonnés des programmes TechNet et MSDN de Microsoft, c'est-à-dire pour environ 13 000 utilisateurs. Cette version d'évaluation du SP1 est appelée Release Candidate 1 et survient environ 2 mois après la publication de la version bêta. 2 versions du Release Candidate 1 sont disponibles aux testeurs de Microsoft, la version X86 et la version X64, dépendant des ordinateurs. Selon le webzine silicon.fr, le temps d'installation d'environ 20 minutes serait beaucoup plus court que celui de la version bêta. Et la copie des fichiers d'un dossier à l'autre serait plus rapide, premièrement. Je vais vous expliquer parce qu'ils ont pas l'air de l'expliquer dans l'article. Le service Pack 1, c'est un genre de pack que tu peux installer par-dessus Windows Vista qui vient changer des choses. C'est comme un genre de gros paquet de correctifs, de rustine, de patch, de bug d'effet, ce genre de choses-là. C'est à peu près ça. Donc, des bugs qui ont été corrigés, c'est par exemple le transfert de fichiers qui était extrêmement lent, même si tu avais un petit fichier à copier ou à couper d'un dossier à un autre, ça prenait beaucoup trop de temps. Même chose pour Explorer 7, qui consomme maintenant moins de ressources du processeur. La fonction CTRL-ALT-SUPPRIME aura été améliorée et l'activation de l'ActiveX d'Internet ne sera plus nécessaire sur certains sites Internet. Pour les testeurs qui peuvent installer la version d'évaluation sur leur ordinateur, vous pouvez le télécharger sur la page web de Microsoft. L'adresse est dans l'article sur lunechance.com. À noter par contre que la bêta doit être supprimée avant que la nouvelle version soit installée, si vous l'avez. Si tout se déroule comme prévu pour Microsoft, la version finale de son service Pack 1 devrait être disponible pour tous les utilisateurs de Vista à la fin de 2007 ou au début de 2008. C'est ce que bien des gens attendent avant d'installer Vista parce que c'est, comment dire, pas super complet et correct comme logiciel, comme système d'exploitation. Ça vaut la peine d'attendre le service Pack 1 pour pas mal tout le monde. Même si sur mon portable, ça va très bien. Depuis qu'Internet est accessible à tout le monde, les services et la vitesse n'ont jamais cessé de s'améliorer. Mais pour la première fois, les spécialistes nord-américains annoncent que d'ici 2 ou 3 ans, la vitesse va diminuer sur le web si rien n'est fait. Cette constatation a été faite par la firme de recherche Nemertes, qui conclut que les réseaux des câbles distributeurs et des compagnies de téléphone ne seront plus en mesure de transporter les énormes quantités d'informations requises par les usagers en raison d'une hausse sans cesse croissante des services offerts et de l'utilisation que les gens en font. L'étude en question estime que les investissements nécessaires s'élèvent à environ 135 milliards de dollars. Or, les investissements prévus ne sont de l'ordre que de 72 milliards, une différence appréciable, 72 contre 135. Le problème, c'est que l'utilisation que les gens font d'Internet est beaucoup plus grande que prévu. Par exemple, en mai dernier, 75% des internautes américains ont regardé des extraits vidéo pendant une moyenne de 158 minutes et plus de 8 milliards de documents vidéo ont été vus. Les services Internet destinés à l'industrie du sans-fil ne cessent de se développer et certains sites web qui n'étaient pas connus il y a moins de 3 ans, dont YouTube, sont en train de carrément révolutionner la manière dont on utilise Internet. En passant, YouTube présentement génère 27 millions de gigaoctets de données par mois. C'est incroyable. Les usagers risquent donc de se retrouver avec des services plus lents ou déficients. Il faudra peut-être 2 essais pour confirmer une transaction en ligne, par exemple. Mais le plus grave, c'est qu'Internet deviendra peu à peu une structure inadéquate et engorgée, réduisant ainsi les initiatives en matière d'innovation. À quoi bon lancer un nouveau service en sachant d'avance que les infrastructures pour le recevoir sont inadéquates, dit l'article de Canoë. Google met présentement en place une nouvelle architecture pour son célèbre service d'hébergement de courriel Gmail, qualifié par certains de Gmail 2.0. Oui, certains vont jusque-là. Cette nouvelle mouture permet d'ores et déjà de profiter d'une capacité de stockage accrue, qui est donc passée de 3,3 gigaoctets à 5. Rappelons que cette évolution était prévue depuis quelques semaines, certainement afin de répliquer à l'annonce de Microsoft avec Hotmail et Windows Live Hotmail, qui est monté à 5 gigs. Certains ne trouveront pas cette nouveauté révolutionnaire, dit l'article de Cubic.com. Heureusement, elle s'accompagne d'autres changements plus importants. Google annonce les boîtes qui ont migré vers sa nouvelle version sont plus rapides et plus réactives. Par ailleurs, ce changement de version permet de profiter de nouveaux raccourcis clavier. On pourra aussi citer la possibilité d'effectuer et de partager avec ses contacts des recherches d'email. Les boutons précédents et suivants du navigateur peuvent aussi servir pour naviguer dans les emails maintenant. Et dans le même ordre d'idée, l'historique de son navigateur peut aussi être employé pour retrouver un courrier précédemment consulté. Donc, que des bonnes choses. Le nouveau Gmail propose aussi un système qui permet de simplifier la création de filtres pour ses courriers électroniques. Par exemple, là, si vous voulez classer tous les courriers envoyés, avec le mot « patate » dedans vers un dossier ou un tag « patate » dans votre Gmail, ça va se faire plus facilement. Voilà. Donc, à Londres maintenant, l'un des millions de fans de Harry Potter aura un cadeau unique pour Noël, un rôle de figurant dans le 6e film tiré de la saga, proposé dans le cadre d'un jeu organisé sur MSN. À partir de vendredi dernier, des questions sur la série imaginée par la Britannique J.K. Rowling seront posées chaque semaine jusqu'au 20 décembre sur le site harrypotter.uk.msn.com. Le vainqueur du concours va décrocher un rôle de figurant dans Harry Potter et le Prince de Sang-Mêlé, le 6e film de la saga, actuellement en cours de tournage, sa sortie prévue pour novembre 2008. Et je cite... Ça va vraiment permettre à quelqu'un de réaliser ses rêves de Noël. Hein, c'est beau. Inutile de dire que nous nous attendons à une compétition acharnée. Les 5 premières adaptations pour le grand écran ont battu des records au box-office, vous le savez. Des recettes supérieures à l'ensemble des 22 films de James Bond ou aux 6 épisodes de La Guerre des Étoiles. Malade. Voilà pour le fil informatique de cette semaine. Pourquoi pas, allons regarder avant de continuer notre émission comme ça. Regardons, tiens, les mots-clés les plus recherchés au Québec la semaine dernière selon l'incroyable Toile du Québec. En 5e position, on retrouve Occupation Double, c'est stable. En 4e, c'est une descente pour les PAC. En 3e, ça monte, Hotmail. En 2e, ça descend, c'est l'Auto-Québec qui est en première. Ça monte, oui, ça monte. Devinez, je vous laisse. deux, trois petites secondes pour le deviner parce que c'est vraiment difficile. Hein? Hein? C'est horoscope. Non, je vous ai eu un. Vous écoutez La Connexion. C'est fou 89.1 FM, votre radio campus à Trois-Rivières. Say, did you ever stop to think along the way? But baby, be prepared to be surprised. Better be prepared to be surprised. Baby, be prepared to be surprised. It's all I know. I'm not gonna stay. Obvious observations everybody makes. But baby, be prepared to be surprised. Better be prepared to be surprised. Baby, be prepared to be surprised. It's all I know. The way so tired through a mic. But baby, be prepared to be surprised. Better be prepared to be surprised. Baby, be prepared to be surprised. It's all I know. Sundry Lurky et To Be Surprised, la trame sonore du film Dan in Real Life. On la passe à chaque semaine parce qu'on veut que ça monte. Vous écoutez La Connexion, l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo. Maintenant, parlons un petit peu de gadgets dans la section Google Gadgets, rapidement avant la fin de la première heure. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de nouveaux gadgets USB comme ça, de choses qui ne veulent absolument rien dire, dans le fond, comme phrase. c'est ce que l'article dit, je le lis comme ça, comme c'est écrit, je parais ça de même. Lubic.com dit, bon, il faut dire que nous avons eu un peu de mal à nous remettre de l'article « Les gadgets pour déclencher une guerre au bureau ». Vous avez pas vu cet article-là, allez le voir, c'est des petits gadgets pour genre des canons, des affaires comme ça pour votre bureau USB. Donc, ici c'est un périphérique dédié à la détente, le jeu de mini-golf USB, livré de 2 potters et de 6 balles. Ce jeu de mini-golf pour bureau est alimenté par USB. À quoi sert la connexion USB, me demanderez-vous? Je vous entends pas le dire, hein? En tout cas. Eh bien, simplement pour vous renvoyer les balles rentrées avec succès dans le trou de cette unique green de quelques centimètres. L'objet totalement inutile est vendu pour une dizaine de livres sterling. Allez voir l'article insolite du mini-golf USB sur son bureau. C'est au unechance.com. Il y a des gens, d'accord, qui ont un laptop, okay? Un ordinateur portable. C'est votre portail vers le reste du monde quand vous n'êtes pas à la maison. Hein? Donc, il faut le garder près de soi. Il faut faire attention à lui. Ça, c'est dangereux. Donc, on peut se le faire voler très facilement. Hein? Donc, si vous êtes dans un café ou peut-être à la cafétéria, peut-être même, ou peut-être à la chasse-galerie, une belle place comme ça, eh bien, à la place d'enchaîner votre laptop à une table ou à une chaise ou n'importe quoi, eh bien, à la place, Belkin a créé ce USB Laptop Security Alarm. Donc, l'alarme, dans le fond, c'est une prise USB, d'accord? Tu branches ça. Tu l'attaches à une surface ou à... il faut quand même que tu l'attaches à une table, dans le fond, une table de table, d'accord? Et si tu déconnectes ça sans la clé, si tu détaches le fil USB, je m'explique vraiment mal. Si tu détaches le fil USB sans utiliser la clé, eh bien, il y a une alarme qui sonne. Voilà. Donc, ça coûte 25$ et c'est sur le site de Belkin via lunechance.com si ça vous intéresse. Vous avez sûrement entendu dire ou peut-être que vous avez déjà eu des idées en griffonnant. Est-ce que ça se dit? Griffonnant? Sur une table, une serviette. Voyons. Hey, wow, je parle vraiment mal aujourd'hui sur une serviette de table. Voilà. Eh bien, ce que quelqu'un a fait, c'est qu'ils ont fait un carnet de notes avec des serviettes de table, des napkins. Hein? Donc, c'est littéralement comme un carnet avec des ressorts, des genres de métal en haut. Et puis là, c'est des napkins qu'il y a dedans. C'est génial. Donc, c'est via MoMA Store. Ça va être disponible très bientôt, ce que ça dit. Napkin Notebooks via Electroplankton, via Ogizmo.com, l'article sur lunechance.com. Et le petit dernier, tiens, gardons-le le meilleur pour la fin. Pas vraiment, parce que c'est pas la meilleure du tout. C'est un gadget pour tenir votre ticket de parking sur votre fenêtre, sur votre pare-brise. À la place de le laisser flotter en haut de votre volant, sur votre l'affaire, là, vous pouvez le mettre après votre vitre. Wow, c'était la meilleure collègue Google Gadget de tous les temps, ça. J'adore. Vous écoutez la collection, et c'est la deuxième heure bientôt. Tantôt. I failed you, 'cause I failed you. But I'm still in your blood. You're still in my blood. You want to forget it, but you still crumble at my name. You still crumble at my name. We'll be right back. Bonjour, c'est la deuxième heure de La Connexion, l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo. Je m'appelle Mathieu Plante. Dans cette deuxième heure, on va commencer par le fil technologique. On va parler de l'iPhone qui est en vente sans abonnement en Allemagne et des forces de l'ordre contre le clonage des cartes de guichet. C'est plus tard, mais avant, une pièce du Husky. À La Connexion, c'est fou 89 FM. Votre Radio Campus à Trois-Rivières, c'est dans vos oreilles. Et c'est maintenant. Dans les rues, donne-moi un marteau. Je m'en vais me construire un bateau. Avant de m'en aller, avant de tout quitter, avant d'abandonner, je veux savoir pourquoi mon estomac ressemble à Hiroshima. Avec la pièce David Bowie de leur album chanson moderne pour cynique romantique à la connexion à CFOU 89.1 FM. Parlons un petit peu de technologie, tiens. L'opérateur allemand Deutsche Telekom a annoncé qu'il va vendre l'iPhone débloqué et sans forfait. La compagnie d'Allemagne n'a pas eu le choix de prendre cette décision. En effet, la société britannique Vodafone a contesté devant les tribunaux l'exclusivité conclue entre T-Mobile et Apple. Suite à cette contestation, le tribunal a prononcé une injonction préliminaire qui interdit maintenant à la filiale de Deutsche Telekom de bloquer les cartes SIM du gadget. C'est la première fois que l'iPhone éprouve des problèmes judiciaires de la sorte. Les gens désirant acheter l'iPhone sans contrat devront tout de même payer le gros prix. Il va être offert à 1 000 €, contrairement à 400 avec l'abonnement, et uniquement chez les détaillants de Deutsche Telekom, ce qui représente quand même une économie pour les consommateurs. Avant cette injonction, les gens désirant avoir l'iPhone devaient s'abonner pour une durée minimum de 24 mois et débourser près de 1 176 € au total. Le tribunal va se pencher bientôt sur la légalité de l'accord de distribution. L'iPhone français sera également en vente avec ou sans abonnement chez l'opérateur Orange. Il est effectivement interdit en France de vendre un téléphone uniquement par contrat. Reste à voir si d'autres pays vont suivre l'exemple. Ensuite, Hitachi propose un nouveau robot. L'entreprise japonaise d'électronique Hitachi a présenté la semaine dernière le nouveau modèle de son robot destiné à aider les employés de bureau dans leurs tâches. Petit humanoïde rouge et blanc mesurant 80 cm de long, Emu 2 se déplace grâce à des roulettes situées sous ses jambes. Il est destiné à remplacer son prédécesseur Emu, sorti en 2005. D'un poids de 13 kg, Emu 2 est composé de 27 degrés de liberté d'articulation. Il peut se déplacer d'une façon autonome à une vitesse de 6 km/h. Un humain pressé se déplace à cette vitesse, dit l'article. Ce robot est aussi équipé d'un gyrosenseur lui permettant de tenir en équilibre. Il dispose aussi d'un radar laser lui permettant de cartographier son environnement. Il peut aussi éviter les obstacles de la grosseur humaine qui bloquent la route du robot. Enfin, MU2 est capable de comprendre le langage humain. Durant la démonstration, quelqu'un a demandé où était assise une personne et le robot a répondu d'une voix électronique masculine « Je vais vous amener jusque-là, suivez-moi ». Hitachi a refusé de dire quand ce modèle sera disponible pour l'usage commercial ni combien il coûtera. La société n'a pas voulu indiquer non plus le prix associé au développement d'un tel gadget, mais on peut rappeler que Honda et Toyota ont également développé des robots à apparence humaine. L'article vient de branchez-vous. Même chose pour le prochain article. C'est la semaine dernière qui était l'heure des bilans pour une dizaine de corps policiers qui ont participé à l'opération Terminal. Cette opération qui s'est tenue du 16 avril au 16 mai 2007 visait à combattre le clonage de cartes de guichet et la fraude au moyen de systèmes Interac. C'est pas moins de 3000 commerces qui ont été visités pendant l'opération. On a procédé à la saisie de 16 faux terminaux de guichet, imaginez. Trois personnes membres d'une organisation criminelle originaire de l'Europe de l'Est ont été arrêtées et d'autres devraient l'être bientôt. Deux laboratoires ont aussi été démantelés par la police. C'est là qu'on faisait les activités de contrefaçon. Plusieurs corps policiers ont travaillé ensemble dans cette opération, dont ceux de Longueuil, Laval, Termonde, Repentigny et du Roussillon. La Sûreté du Québec et la Gendarmerie royale du Canada ont également participé à l'opération. Selon la SQ, les sommes acquises frauduleusement par Interac ont diminué de 74% dans les mois suivant l'opération. Puisque les policiers visitaient souvent les mêmes commerces, les vols ont baissé de 8% et les vols qualifiés de 40%. Enfin, les porte-parole des policiers ont rappelé que plusieurs fraudeurs agissaient avec témérité en enjoignant aux commis des magasins de collaborer avec eux dans leur fraude. On leur demandait entre autres leur aide pour installer de faux terminaux dans leur dépanneur. C'est quelque chose. C'est la semaine dernière que Amazon a lancé aux États-Unis leur livre électronique Kindle, ce gadget permettant de lire des livres, des journaux, des magazines et même des blogs sur un écran haute résolution de 6 pouces. Selon Amazon, cet écran aurait le même effet visuel que le papier. Il sera donc possible de lire en plein soleil. L'utilisateur va pouvoir stocker plus de 200 volumes sur le Kindle et encore plus grâce à l'ajout de mémoire à l'aide d'une connexion sans fil au réseau de l'opérateur Sprint. La bibliothèque virtuelle semble déjà volumineuse. En effet, 88 000 titres sont déjà disponibles sur la boutique en ligne d'Amazon. Le prix de ces volumes virtuels varie de 2 à 20 $. Le temps de téléchargement est d'environ 1 minute par livre, ce qui n'est pas si mauvais. En ce qui concerne les journaux, plusieurs grands quotidiens américains sont accessibles en téléchargement, dont le New York Times, le Wall Street Journal et le Washington Post. Des journaux étrangers sont également offerts, dont Le Monde, le Frankfurter Allgemeine et The Irish Times. Aucun abonnement mensuel n'est requis. Le propriétaire du Kindle n'a qu'à payer son article virtuel et Amazon s'occupe des frais de téléchargement. Ça coûte 400 $ quand même. Le Kindle dispose d'une autonomie de 30 heures et se recharge complètement en 2 heures. Son poids est de 10 onces. Ça fait pas l'unanimité sur Internet. Je dirais que les opinions sont plutôt partagées par rapport au Kindle. La compagnie Delta 7 Sports vient de lancer un tout nouveau type de vélo de montagne. Il s'agit de l'Arantix, oui. Une bicyclette qui pèse 1,2 kg, qui est d'une solidité à toute épreuve si on en croit ses concepteurs. ses concepteurs, mais qui a l'apparence du vélo le plus fragile au monde. Pourquoi? Parce que son cadre est fait en fibre de carbone tressée à la main, selon un procédé breveté et développé par des spécialistes de l'Université Brigham Young de l'Utah. Le carbone est un matériau reconnu pour sa légèreté et sa résistance au choc qu'il est de plus en plus utilisé dans l'industrie aéronautique. En fait, son apparence ressemble un peu aux structures que les enfants assemblent avec des allumettes. L'article dit « on aime ou on n'aime pas », l'article de Canoë. Donc, chaque vélo requiert 300 heures de travail puisque le cadre est constitué d'une seule fibre de carbone tissée selon une recette bien spéciale afin d'en faire un cadre solide, mais à travers duquel on peut voir. Cette espèce de grand cordon creux est recouvert d'une couche de Kevlar, augmentant ainsi sa solidité. Le tout est cuit au four pendant 4 heures à 125 degrés Celsius. C'est fascinant. Selon les ingénieurs qui ont conçu le cadre du vélo, il faut plus de 500 mètres de fibres de carbone pour produire un seul vélo. C'est l'équivalent de plus de 5 terrains de football. Son prix est 12 000 $. La compagnie espère en vendre environ 200 en 2008. Et si ce prix vous indispose, vous pouvez toujours acheter uniquement le cadre tressé à 7 000 $. Éventuellement, d'ici 2009, ces vélos ne seront plus faits à la main, ce qui devrait en réduire un peu le coût. Et finalement, l'Arlésienne des claviers aura vu le jour, dit Clubic.com. L'Optimus Maximus Keyboard de Art Lebedev est en effet en vente depuis le début de la semaine dernière dans la boutique Wired de New York pour la bagatelle d'environ 1500 $, ce qui n'aurait pas empêché quelques geeks fortunés de se l'arracher. On peut rappeler que les 115 touches de l'Optimus Maximus sont chacune constituées d'un petit écran OLED qui permet l'affichage du caractère, de l'icône ou du logo de votre choix. Ce qui est vraiment absolument génial, il faut le voir. Donc, les touches sont lumineuses et elles sont paramétrables à l'envi. Et d'ailleurs, l'emballage du clavier, qui ne sera pas finalement le Vaporware de 2007, s'est dévoilé sur le net. Si vous voulez aller voir l'article, c'est le clavier OLED Optimus Maximus enfin en vente sur lechance.com. Ça vaut la peine. Une galerie de photos prise à New York ainsi qu'une courte vidéo sont proposées chez Gizmodo. Le lien est dans l'article. C'est super intéressant. Un peu comme écouter une pièce d'Alexandre Champigny qui s'appelle L'Aspiration de son album Bouddha Cinérose. C'est maintenant à la connexion assez fou 89.1 FM. Prendre l'avion, une chambre à louer et sortir. Un regard. Alexandre Champigny et la pièce Aspiration, c'est sur les palmarès de C'est fou cette semaine du côté francophone. On passe en pub, il nous reste un dernier bloc d'une demi-heure, mais avant d'aller là et de faire tout ça et de parler de choses cocasses qui sont passées sur le net, voici le quiz musical de la semaine. Mais quel est ce jeu? Lequel il est-il que ce jeu, c'est de quoi, c'est que c'est? C'est un peu ça dans le fond que je vous demande. La réponse au retour à la connexion à C'est fou 89.1. Hein? FM? Hein? Quoi? Avant la pause, je vous ai demandé de nommer le jeu qui joue en ce moment derrière moi, vraiment pas fort, là. Et je vous laisse encore quelques secondes pour y penser. Ah, ceux qui ont deviné, ben bravo, c'est Bubble, qui est entre autres sur l'arcade. Yay! Bonjour sur la dernière demi-heure de la connexion, l'émission qui parle de technologie, d'informatique, de jeux vidéo et de bubble, yeah! Donc bravo à vous, sérieusement, c'est très très bon parce que moi je l'aurais jamais deviné. Dernière demi-heure de l'émission, on va parler entre autres de ce qui s'est passé autour du net. On va regarder quelques vidéos ensemble et on va parler des nouveautés en magasin. Ça, c'est au retour, mais avant, voici une pièce que j'adore de ce temps-ci. Ça vient d'El Motor. El Motor. C'est comme si on nageait, je vous jure. C'est comme... Oh, formation El Motor avec la pièce Hippocampe de leur album éponyme. C'est sur les palmarès francophones de C'est fou cette semaine. Maintenant, c'est l'heure de parler de nouveautés en magasin et pourquoi donc pas? Ha! Super musique de club derrière aujourd'hui, ça fait tellement changement. Pas sûr que j'aime ça. On sent que l'action de grâce est passée aux États-Unis, dit rgamers.com. En effet, les sorties sont de plus en plus rares et on peut même pas trouver un quelconque gros titre. Cependant, certains joueurs PC devraient se satisfaire avec Shadowgrounds the Survivor. Commençons par le jeu multiplateforme de la semaine. Sur Wii et Xbox 360, on retrouve History Channel Battle for the Pacific. Sur la DS de Nintendo, on retrouve Boogie de Electronic Arts, Chicken Hunter de Mumbo Jumbo, Geometry Wars Galaxies, ça a l'air vraiment bon, de Sierra Entertainment, et finalement Master of Illusion de Nintendo. Sur PC, Shadowgrounds Survivor de Meridian 4, Disney Princess Enchanted Journey de Disney Interactive et The Tuttle's Madcap Misadventures Starlight Star Bright Charity Challenge de Legacy Entertainment, ou sinon TTMMSSCC. Et sur Wii, finalement, Puzzle Quest Challenge of the Warlords de Détroit, Cranium Kabuki de Ubisoft, Game Party de Midway et Cruisin' de Midway. C'est les seules nouvelles sorties cette semaine. Alors que du côté de la Virtual Console de Nintendo, trois autres classiques ont été ajoutés au service Virtual Console lundi dernier. Question de réchauffer vos mains, dit l'article de rgamers.com. Vous allez pouvoir mettre la main sur Sonic 3D Blast ainsi que Super Air Zonk. Les nostalgiques pourront aussi se divertir avec Wrecking Crew. Oh, Wrecking Crew! Ce que les Québécois ont tendance à appeler... Wrecking Crew. Donc, une aventure peu connue. Quoi? Peu connue? Des frères Mario et Luigi. OK, j'avoue que moi, je le connais. Ça veut pas dire que tout le monde le connaît, mais Wrecking Crew, c'est génial comme jeu. Donc, Wrecking Crew, c'est, parlons-en un petit peu. Ça vous permet de prendre le contrôle de Mario ou de Luigi alors que vous devrez tout détruire sur votre passage. Échelles, tuyaux et murs seront vos cibles au sein de ce jeu complètement fou. Vous devrez néanmoins faire preuve de prudence puisque chaque bâtiment à détruire sera conçu de façon unique de sorte que vous devrez prendre soin à ne pas tomber dans un cul-de-sac. Le tout sera accompagné de divers objets à récolter et à utiliser, incluant des boules de feu. Du côté de Sonic 3D Blast, ça vous permet de personnifier le légendaire Sonic alors que ce dernier devra de nouveau stopper le Dr. Eggman dans sa quête l'ayant poussé à réduire en cendres un univers parallèle. En récoltant des anneaux d'or, vous devrez stopper le Dr. Fou avant qu'il ne soit trop tard pour cet univers. Et finalement, pour Air Zonk, la suite de Air Zonk, Super Air Zonk, vous replonge dans la peau de Zonk alors que ce dernier pourra se transformer en 9 créatures à travers 7 niveaux remplis d'action. Voilà. Ça, c'est les nouveautés en magasin et ailleurs, sur vos consoles, sur vos écrans, sur vos moniteurs et autres surfaces sur lesquelles on peut diffuser des jeux. Regardons les jeux qui sont justement les plus populaires sur vos écrans, moniteurs et autres surfaces pouvant servir de... genre, je sais pas. En cinquième position, on retrouve Super Mario Galaxy de Nintendo sur la Wii avec 9.5. En quatrième, Crysis de EA Games sur le PC avec 9.5. En troisième, c'est Call of Duty 4 Modern Warfare sur le PC de Activision avec 9.0. En deuxième, c'est Assassin's Creed de Ubisoft sur la Xbox 360 avec un score de 9.0. Et finalement, le jeu le plus populaire en tout et partout sur GameSpot.com en ce moment même, c'est Mass Effect de Microsoft Game Studios sur la Xbox 360. Le score est de 8.5. C'est sorti le 20 novembre dernier. Mass Effect, voilà. Bon, on fera le reste tantôt. Quoique non, tiens, je décide que ça me tente de faire le top 10 des jeux les plus trichés la semaine en ce moment même, selon GameFAQs.com. En troisième, c'est Final Fantasy XII sur la PS2. En deuxième, c'est Super Mario Galaxy sur la Wii. Et en première, le jeu le plus triché, c'est-à-dire que les gens cherchent le plus de codes et de façons de battre le jeu sans trop se forcer. Présentement, c'est Assassin's Creed sur la Xbox 360. Il y a des gens qui aiment ça, genre, tu sais, pas trop travailler fort. Je dirais pas qu'ils sont cons, là, au contraire. Mais ils pourraient aimer ça. Être con. Aimer être con. De Johnny 5. Je ne voyais plus que la révolution. Je répétais la gueule à tous ceux qui disent non. Mais après mûre en réflexion, j'ai fait quelques constatations. Qui donc se battra pour la nation si tout l'on fait dans son pantalon? Quand ce seront nous des mécons? 51% de cons. Quand ce seront nous des mécons? 51% de cons. Quand ce seront nous des mécons? 51% de cons. Quand ce seront nous des mécons? 51% de cons. Quand verrons-nous donc l'explosion de la plus grande diffusion? Les sourires et les exaltations d'un peuple uni par l'émotion. Le corps, bien sûr, et l'hésitation n'entraîne que peu de réactions. Mais où est donc l'indignation face à 51% de cons? Quand cesserons-nous de bêtes cons? 51% de cons. Quand cesserons-nous de bêtes cons? 51% de cons. Quand cesserons-nous de bêtes cons? 51% de cons. Quand cesserons-nous de bêtes cons? 51% de cons. Peut-être jamais nous ne la fêterons, mais nous sommes pas prêts pour l'évolution. Alors s'il vous plaît, filles et garçons, j'aimerais avoir votre attention. Ça semble une grosse décision, mais en fait c'est une solution. À moins de toujours tourner en rond, à moins de toujours passer pour des cons. Quand cesserons-nous de bêtes cons? 51% de cons. Quand cesserons-nous de bêtes cons? 51% de cons. Quand cesserons-nous de bêtes cons? 51% de cons. Quand cesserons-nous de bêtes cons? Oui, j'ai rêvé de tout ça. J'entends tes mères rester là-bas. J'entends tes mères rester là-bas. Tous les habitants de ma foi. Les habitants de ma foi. Entends pas plus crier leur joie. Oui, j'ai rêvé, oui, de tout ça. Oui, j'ai rêvé, oui, de tout ça. J'entends tes mères rester là-bas. J'entends tes mères rester là-bas. Tous les habitants de ma foi. Tous les habitants de ma foi. Entends pas plus crier leur joie. Johnny 5 et Aimer être con de leur album éponyme. À la connexion, l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo. Il nous reste à peine une quinzaine de minutes. Et maintenant, regardons un petit peu ce qui se passe autour du net. Ah, c'est tellement répétitif, cette musique-là, ça m'énerve. Mais avant de regarder ce qui se passe autour du net, ça me tente d'éliminer quelques petits onglets sur mon furteur comme ça, parce que vous savez qu'il y a tellement d'informations dans cette émission. C'est l'émission la plus rapide au monde, certains diraient. Donc, comme à chaque semaine, voici le top des ventes de consoles au Japon avec des chiffres en provenance de la société Media Create, un classement illuminé par la performance de la DS, dont les ventes ont dépassé 20 millions d'unités au Japon. Donc, regardons ça. En 8e, la GameCube avec 38 ventes au Japon. Bravo. En 7e, 262 Game Boy Advance. En 6e, 6525 Xbox 360. Ben, respectable. En 5e, la PlayStation 2. En 4e, la Wii. En 3e, la PlayStation 3 avec presque, enfin, un petit peu plus que 39 000 ventes. En 2e, la PSP avec 65 600 ventes. Et en première position, c'est la DS avec 76 000 et des poussières ventes pour un total de 6 037 000 sur l'année et un total de 20 042 000 dans toute son existence. Du côté des jeux les plus vendus au Japon, toujours selon Media Create, pourquoi pas. Les 10 meilleures ventes de la semaine au Japon, c'est les ventes réalisées sur la période du 12 novembre au 18 novembre, et voilà, c'est via gpara.com. En 5e, Game Center CX sur la DS, en 4e, Famista DS sur la DS, en 3e, Dynasty Warriors 6 sur la PS3, en 2e, Resident Evil The Umbrella Chronicles sur la Wii, et en première, le jeu le plus vendu au Japon, c'est Mario Party DS sur la DS avec 116 000 ventes pour un total de 350 000. Je crois que c'est seulement sa deuxième semaine de présence. Ensuite, maintenant, regardons ce qui se passe autour du net. Il s'est pas passé des tonnes de choses. Je vais pas chercher des tonnes de temps non plus, mais quand même. Nintendo du Japon a sorti trois super beaux papiers peints, là, ou arrière-plan, ou wallpaper, tapisserie d'ordinateur, peu importe comment vous voulez l'appeler, de Mario Galaxy. Oui. Deux sont avec la version initiale de la boîte du jeu, qui a été changé pour la version finale. Et bien, la version finale est aussi un autre papier peint. Et l'autre est une illustration jamais vue auparavant qui va certainement vous faire sourire parce que c'est super joli. Donc, vous pouvez cliquer sur l'article, sur unechance.com. L'article s'appelle « Another Galaxy Box Art Candidate ». Unechance.com, c'est le site très, très joli, très beau visuel, très belle boîte de jeu aussi, très beau jeu. Tout est là, il n'y a que des avantages. Toujours au sujet de Nintendo, dans la chronique autour du net, il y a un nouvel appareil au Japon qui permet de regarder la télé. Et c'est énorme comme gadget, apparemment, avec deux grosses antennes. C'est pas super joli. Mais quand même, si ça vous intéresse, ça vient même avec un jeu qui s'appelle Game & Watch, qui s'appelle Fire. C'est un jeu de Game & Watch qui s'appelle Fire. Game & Watch, c'est la vieille console portative, un peu comme le Game Boy, mais avec seulement un jeu et puis que quelques boutons. C'était un petit peu... c'était noir et blanc. C'était vraiment laid, avec comme un seul décor en arrière sur lequel des lignes noires bougeaient. C'était l'enfer. À peine un petit peu plus portable que le Virtual Boy. dit l'article de FourColorRebellion.com, si vous vous souvenez du nom. Personne ne se souvient du Virtual Boy. J'espère que certains d'entre vous s'en souviennent. Moi, j'aimais beaucoup le Virtual Boy. J'ai jamais joué avec. J'aurais aimé ça. Mais je me rappelle de l'avoir voulu très très longtemps et d'avoir acheté les Nintendo Power avec le Virtual Boy dedans. C'était très excitant. C'était une machine de jeu portable, entre guillemets, dans ce que tu pouvais l'emporter en quelque part, mais quelle console n'est pas portable dans ce cas-là? Il fallait une surface plane. Donc, tu pouvais pas jouer dans la voiture ou rien. Il fallait que tu joues à une table avec la manette dans les mains et l'appareil sur tes yeux. Et c'était non pas en noir et blanc, mais en noir et rouge. D'accord? Il y avait un jeu de tennis, je me rappelle. Il y avait un jeu de Wario, il me semble aussi. En tout cas, donc, vraiment bien. Simili 3D slash mal de tête intense, j'imagine. Enfin. Donc, Virtual Boy, l'article ne parle pas du tout du Virtual Boy, mais bien d'une télé pour votre DS. Donc, allez voir, retournez écouter la rediffusion pour voir qu'est-ce qui a fait que je suis allé jusque-là. Ça m'arrive. Ensuite, tiens, toujours autour du net et toujours au sujet de Nintendo, c'est mon sujet privilégié de cette semaine, comme souvent. Sur le forum de neogaf.com, quelqu'un a posté 1250 et plus icônes. Je fais une liaison, mais ça va pas vraiment la peine. Icônes pour votre ordinateur de jeux ou de choses qui représentent des trucs de la DS. Je vais remettre ça dans l'ordre. Ça donne des petites icônes basées sur des jeux et la console DS pour votre ordinateur. Donc, disons, par exemple, une icône de Contra 4, de Meteos, de Cooking Mama, de Yoshi's Island DS, de Tingle, de Link version constipée. C'est même marqué Constipated Link, c'est vrai. Donc, c'est des icônes pour votre ordinateur. Donc, si vous pouvez changer votre icône, mettons, de poste de travail ou bien de corbeille en mettant des icônes de DS. Fantastique, n'est-ce pas? Je trouve ça vraiment cool. C'est sur neogaf.com. Via unechance.com, si ça vous intéresse d'aller télécharger ça, unechance.com. Tiens, sur le site pixelninja.se, on retrouve un cosplay. Est-ce que vous savez c'est quoi des cosplays? Je demande une question dans le bar comme ça. Un cosplay, c'est des gens qui se déguisent dans des personnages de jeux vidéo. Pour peu importe la raison, là, ça s'applique à n'importe quoi, mais on peut s'entendre que ça pourrait être pour une convention de jeux vidéo, pour une convention de science-fiction, pour l'Halloween peut-être. Mais pour l'Halloween, je suis pas sûr que ça s'appelle cosplay, ça s'appelle plus un costume d'Halloween, je pense, à ce moment-là. Mais donc, cosplay. Ici, la plupart du temps, un cosplay, c'est nul, c'est mauvais, c'est les gens rient de ça, c'est nerd, c'est poche, c'est comme wesh. Dans ce cas-ci, wow, avec un accent aigu et un point d'exclamation. Wow! Samus Aran de Metroid Prime et autres Metroid, mais dans son habit de la version Metroid Prime. Très extrêmement jolie fille, un, ça aide toujours, hein? Et un super beau costume. Il n'y a rien de plus à dire, il faut aller voir les photos, unechance.com, cosplay Samus Aran, Metroid Prime. Il y en a d'autres aussi dans la série. Il y a Saya, Blood de Blood de Last Empire. Voyons, Saya de Blood de Last Empire, Vampire, aussi très très jolie. Et wow, quasiment plus même. Voilà. En tout cas, donc plein de cosplay à aller voir, même une petite fille étudiante japonaise. Je pense pas que ça ait rapport avec des jeux vidéo, mais là pareil. Enfin bon, ensuite sur le site de themorningnews.org, ah ça c'est vraiment cool. C'est rien de. Ben, c'est visuel, mais c'est rien de très impressionnant, c'est juste cocasse. Ça s'appelle The Laptop Club. Donc c'est apparemment je crois un professeur. Quelque chose de genre, qui a demandé, c'est écrit en dessous, mais je prenais pas le temps de le lire, qui a demandé à des enfants, d'accord, des étudiants, pas des étudiants, non, des écoliers, qu'on pourrait dire, de dessiner un laptop, un portable sur du carton. Et juste voir ce que les jeunes mettent sur leur portable idéal, j'imagine. Premièrement, mettre les lettres en ordre, hein? Ensuite les chiffres, ensuite les symboles, ensuite jeux, nourriture, jouets, hamster, acheter.com, lire courriel. Toutes ces touches-là figurent sur le portable ou le clavier d'ordinateur ou peu importe ce que vous voulez. Des petits enfants. En fait, c'est des enfants de 7 à 9 ans de la Caroline du Nord. Très, très jolis. Allez voir ça. C'est sur lunchance.com. Et finalement, c'est via le site gemaga.com. On parle de la Pologne qui utilise une... Oh, wow! Ça, c'est le fun quand ma batterie de portable ferme juste avant la fin de l'émission. En fait, c'est, si je me rappelle bien, c'est qu'ils ont utilisé une top modèle en Pologne pour faire la vente de la Xbox 360. Donc, ce que ça veut dire, c'est finalement qu'il y a une fille un petit peu dénudée ou qu'on pourrait dire sans vêtements. Je pense que ce serait une bonne façon de le dire. Pour, en fait, elle a des vêtements, là, mais pas beaucoup. Disons qu'il y a un certain manque, un lack of sentiments, ça pourrait dire. Ça va faire, je vais rebooter mon ordinateur et puis on va aller voir ça tantôt avec le dernier tour des vidéos qui se passent sur Internet. Pendant qu'on s'en va entendre, une super bonne pièce de Fatboy Slim que ça me tente d'aller entendre tout de suite. Voici Don't Let the Man Get You Down. Pourquoi pas? Hein? Ça vous tente? Moi, ça me tente. En tout cas, donc on va aller faire ça maintenant. À la connexion, l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo. À CIF 89.1 FM. L'émission qui a... it's a vitamins. The vitamins are there. Yeah. And the sign said, long-haired freaky people need not apply. And the sign said, long-haired freaky people need not apply. And the sign said, long-haired freaky people need not apply. Fatboy Slim et une très bonne pièce de l'album Palookaville. Don't Let the Man Get You Down. Oui, Fatboy Slim, I'm a fan. Regarde un petit peu ce qui se passe cette semaine côté vidéo sur internet avec la chronique En attendant vlog. Oui, donc En attendant vlog cette semaine, on regarde quelques petites vidéos comme ça là. Premièrement, Mam Midi Player en Nico Duga. Donc, c'est vraiment très, très compliqué. J'expliquerai pas ce que c'est techniquement. Vous irez voir l'article parce que c'est certainement extrêmement complexe. Mais tout ça pour dire que le gars crée, dans le fond, la musique MIDI de chaque jeu crée lui-même, d'une façon automatisée, une image à l'écran de chaque note avec des éléments graphiques du jeu qui est utilisé. Hein, je vous ai dit que techniquement, c'est encore pire que ça. Ben, même dans le concret, ça reste compliqué. Mais on peut voir quand même sur YouTube plusieurs vidéos, dont Mario, Kirby, Rockman, Final Fantasy. Et je vais vous donner juste un exemple de quoi ça a l'air à peu près. Et là, on voit le mot Mario Brothers à l'écran. Et plein de petits symboles qui ont rapport avec Mario. C'est super. Il y a même un montage sur YouTube que vous pouvez chercher et avec plusieurs jeux mixés dans le même. Donc, c'est vraiment très, très génial. Tiens, on va regarder un autre de Kirby, tiens, pourquoi pas. Ça sent bien, une petite ligne qui arrive, puis là, les symboles passent sur la ligne. OK. Je viens de voir qu'il est moins 3. On se dépêche. Prochaine vidéo, c'est Twitter dans CSI, parce que CSI, les experts, l'émission Les Experts, apparemment, essaient de comprendre un petit peu la technologie. Et ils ont montré Twitter et ont basé un épisode sur Twitter, qui est un site, un genre de blog, si on veut, mais extrêmement rapide, avec seulement une phrase à la fois. Tu as comme un petit logiciel, tu peux envoyer une phrase et puis une autre phrase à chaque minute que ça te tente, là, et écrire ce que tu fais et tenir les gens au courant. Donc, Twitter était la vedette de CSI. Ensuite, les nouvelles pubs de World of Warcraft avec Mr. T et William Shatner. Très génial. Écoutons un petit extrait de celle de Mr. T. Donc, Mr. T qui explique son personnage dans World of Warcraft et se fait achaler par son producteur ou son réalisateur qui dit que c'est pas exactement exact. Ensuite, tiens, une annonce de Mac. Ah, ça, c'est génial. C'est une bannière web sur un site n'importe quel où il y a une bannière en haut qui dit « Don't give up on Vista », « N'abandonnez pas Vista ». Et à droite, les deux gars des pubs de Mac qui parlent de cette bannière-là. Donc, c'est le nouveau genre de bannière plus divertissante, si on veut. Allez voir ça sur lunchance.com. C'est le 20e anniversaire de Max Headroom qui a hijacké, comme on dit en anglais, une station en 1987 de Chicago, une station de PBS. Donc, quelqu'un a arrêté la programmation de la station pour passer un message avec un masque de Max Headroom sur la tête. Max Headroom est un personnage d'émission de télé. Allez voir l'extrait et ils ont même sous-titré ce que le personnage dit. C'est la meilleure chose au monde, sérieusement. Et c'est très, très épeurant de voir qu'une station de télé, dans ce temps-là, a pu être hackée, si on veut. Ensuite, John Lennon qui apparaît dans une image que, dans le fond, épeurant là aussi. Quand tu t'éloignes de l'écran, tu vois de plus en plus John Lennon. Et quand tu te rapproches de l'écran, tu vois que des lignes verticales noires et blanches. C'est génial. Des chats parlants, un petit peu comme dans le film Who's Talking. Et puis une fille qui fait un mic check, un test de son avec un micro, mais le mauvais bord du micro. C'est juste drôle. Ça, c'est sûr que ça va être dans le vlog la semaine prochaine, genre. Et puis, voilà. C'est tout pour l'émission de cette semaine. Merci d'avoir été là. Moi, je vous retrouve à la chance au coureur et au palmarès. C'est fou. C'est tout le temps qu'on avait pour cette semaine. J'espère que vous avez appris quelque chose et que vous avez été divertis. Je m'appelle Mathieu Plante. Je suis en train de vous dire bonne journée. Faites attention à vos genoux et bonne chance. Bye bye. Ouais. Bye bye. C'est tout ce que vous méritez. Un beau bye bye. Bye. Trash.com.